Vendredi, on a vécu un moment historique dans le monde du baseball. Les Marlins de la Floride ont nommé Kim Ng, une Coréenne, à titre de première directrice générale du sport, d'une équipe de sportive en Amérique du Nord. On en parle avec. On y a parlé une couple de fois. Il fait partie de l'organisation des Marlins de la Floride. Pierre Arsenault. Bonjour, Pierre. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Pierre, Kim Ng, d'abord, parle-moi un peu d'elle. Est-ce que tu la connais un petit peu? Est-ce que tu l'as déjà rencontrée? Seulement par réputation, parce que nos chemins ne sont jamais croisés, même lorsque j'étais avec les Expos sur le terrain ou avec les Marlins sur le terrain, et par la suite comme dépisteur professionnel, j'ai jamais eu la chance de la voir, mais naturellement, je savais c'était qui, parce qu'elle a travaillé pour de très bonnes organisations, elle a travaillé pour les Yankees, elle a travaillé pour les Dodgers, là, elle travaillait pour le baseball majeur, alors même si je la connaissais pas au point de vue personnel, c'était quand même quelqu'un que je savais qui était dans l'entourage du baseball et qui avait une très, très, très, très bonne réputation. Ça, c'est la première des choses. Je pense en général, les gens doivent oublier que c'est une femme. Okay. C'est que c'est difficile parce que c'est un moment historique, mais c'est une personne qui mérite le poste qu'elle vient d'avoir. T'sais, c'est une femme qui a gravi tous les échelons, les étapes. Elle n'a pas triché le système, elle n'est pas là parce qu'elle est une femme, elle n'est pas là parce qu'elle est coréenne, elle est là parce que c'est une personne de baseball avec les qualités qui justement sont demandées pour le poste de directeur gérant. OK. Est-ce que c'est quoi sa force? C'est-tu, parce qu'on sait que le directeur général en 2021, pratiquement 2021, c'est de dealer avec les plafonds salariales et ainsi de suite. Est-ce que c'est une femme de business qui où elle connaît sûrement son baseball, là, mais quand même, fait que est-ce que c'est quoi sa force en fait? Je pense qu'elle a plusieurs forces et de ce que je connais d'elle et son parcours et enfin tout. Tu sais, maintenant, quand tu es directeur gérant dans n'importe quel sport, tu peux pas juste porter un chapeau et décider ben c'est moi qui vais faire les transactions pour l'organisation. Maintenant, il y a plusieurs chapeaux, il y a plusieurs travails qui sont très demandants en raison des, comme au baseball, ce que les gens réalisent pas, il y a beaucoup de règlements quand ça vient ouais. au mouvement des joueurs. Tu sais, si t'es sur la liste des 40 joueurs protégés, si t'es sur la liste des 25 joueurs actifs, tu peux pas juste envoyer un gars dans les lignes mineures quand tu veux. Les joueurs ont des options rattachées à leur contrat. Alors, tu sais, juste ça, c'est très compliqué. Et une de ses forces, justement, c'est de... elle est très bonne pour négocier des contrats. Elle est très bonne au point de vue des règlements. Et elle est très bonne... elle a commencé sa carrière, même, je pense, avec les Yankees. Elle allait en arbitrage, c'est elle qui ouais. représentait le côté des propriétaires en arbitrage contre les joueurs. Alors, déjà là, ça montre qu'elle a une très bonne connaissance des contrats et ce qui entoure tout ce qu'un joueur de baseball peut passer à travers. Mais, je veux pas oublier ça, elle a quand même fait ses classes du côté du dépistage et enfin tout. Elle allait en République dominicaine, aller voir l'académie des Dodgers et des Yankees. Était toujours entourée de gens, elle essayait toujours de se coller aux gens qui avaient de l'expérience dans un domaine où peut-être qu'elle en avait moins. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est devenue une femme, une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup, plusieurs qualités qui vont l'aider à devenir une bonne directrice gérante de la baseball majeure. Okay. Est-ce que c'est une... Ça fait quand même 30 ans qu'elle est en Amérique du Nord, donc c'est... On sait que la philosophie du baseball coréen est pas pareille. On axe plus sur du baseball des années 80-90, sur du exemple du des coups et frappes, des vols de but. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait amener sa touche de baseball coréen? Ou vraiment, elle a trop de mentalité de baseball nord-américain maintenant? Moi, je pense que ça fait trop longtemps que dans le baseball nord-américain, elle comprend justement ce que le baseball est devenu dans les années, dans les dernières années. Et ça veut dire le baseball au point de vue des statistiques avancées. Alors, tu sais, c'est comme moi, quand je suis devenu dépisteur, les statistiques avancées commençaient, mais comme dépisteur, c'était toujours la bonne vieille méthode de tu te sers de tes yeux, tu te sers de ton cœur, tu te sers de ton expérience. Mais maintenant, ce qui se rattache à ça, c'est que tu as plusieurs statistiques qui peuvent justement venir peindre un portrait justement plus efficace d'un joueur, la projection du joueur dans 2, 3, 4, 5 ans. Alors, elle, je pense qu'elle a grandi dans le baseball nord-américain et je pense qu'elle va continuer la tendance des statistiques avancées et d'enrober le tout pour avoir une meilleure idée de ce que l'équipe des Marlins devrait avoir de l'air dans le futur. Elle avait failli être engagée par les Dodgers, je pense, hein, mais c'est la direction des Dodgers qui craignait la réaction des gens que j'ai appris en fin de semaine, parce que justement, si on devait la congédier, là. C'est ça. Oui, c'est une drôle d'histoire quand tu penses que tu aimerais engager quelqu'un, mais après ça, la raison pourquoi tu l'engages pas, c'est que tu as peur des réactions si tu dois la congédier. Ouais. C'est un peu bizarre quand on pense à ça, mais c'est vrai, je veux dire, tout directeur gérant, tout instructeur fait face à cette situation à tous les jours où tu peux être congédié du jour au lendemain. T'sais, on le voit dans tous les sports. Un instructeur peut être congédié l'année après avoir gagné l'instructeur de l'année dans le hockey ou dans le baseball, alors ça arrive, mais pour elle, je pense que elle a été patiente. T'sais, c'est comme n'importe qui a 30 ans, comme moi, ça fait 34 ans que je suis dans le baseball majeur. Ouais. T'sais, n'importe qui dure aussi longtemps, ben il faut que tu aies une certaine patience, il faut que tu t'armes de patience, il faut que tu graves les échelons dans le sens que tu fais le travail et tu essaies justement d'améliorer tes chances en apprenant plusieurs différentes facettes du jeu, et c'est ce qu'elle a fait. Mais moi, je pense qu'elle va garder la tendance nord-américaine. Et c'est sûr que les Marlins, depuis quelques années, on commence à s'épanouir dans le sens qu'on regarde plus au Japon, on regarde plus à Taïwan, on regarde plus en Corée. Dans le passé, on ne le faisait pas, ça. Alors, on est plus au niveau international qu'on l'était pour le recrutement aussi. Alors, ça va aider. Les Marlins ont connu une bonne année. Hein. C'est sûr que c'est une saison de quoi? De 60 matchs. Donc, c'est sûr que c'est une demi-saison. Sauf qu'il y a quand même de quoi être fier et vraiment d'être optimiste pour l'avenir. Là. Oui, la raison pourquoi que l'équipe est optimiste, c'est les jeunes joueurs qui ont été obligés, en raison de la pandémie, quand tu as 18 joueurs qui testent positif pour la COVID, tu dois les remplacer. Et souvent, on est obligé d'amener des jeunes qui étaient peut-être pas nécessairement prêts à jouer dans les ligues majeures, mais on avec ce qui arrivait, on n'avait pas le choix. Et on a été capable de développer des joueurs au niveau des ligues majeures, peut-être sur le plan accéléré, mais par contre, c'est une expérience inoubliable, et je pense que ça va justement apporter du bagage à ces jeunes joueurs qui n'auraient peut-être pas eu si ça avait été une saison de 162 matchs. Alors, on a de bons jeunes joueurs qui s'en viennent, et ça, je donne crédit dans les derniers repêchages et certains échanges qu'on a fait pour justement remplir les tablettes qui étaient pas mal vides dans les dernières années. Est-ce que j'imagine que ton travail a dû changer beaucoup cette année? Oui, parce qu'on a tout fait de la maison. Les dépisteurs, on n'avait pas le droit d'être sur la route. Et surtout qu'il n'y avait pas de baseball des ligues mineures, tu sais, il n'y avait aucune équipe de ligues mineures. Fait que nos jeunes joueurs, eux, n'ont pas joué une saison compétitive cette année. Et nous, comme dépisteurs, on était obligés de faire tout par vidéo et dans notre résidence parce qu'on n'avait pas le droit de voyager. Alors oui, ça a été difficile. C'est une saison à oublier dans un certain sens parce que ça n'a pas été évident. Mais on n'a pas le choix et tout le monde était traité on était tous sur le même pied d'égalité. Il n'y avait pas une équipe plus riche qui avait le droit de voyager ou quoi que ce soit. Ouais. Alors tout le monde avait les mêmes ressources. Penses-tu que le métier de dépisteur va changer avec la COVID? Oui. Ouais, ça commence déjà. Je pense qu'il y a des équipes qui vont se servir de la COVID pour éliminer des postes, on commence déjà à le voir. Tu sais, comme moi, je suis incertain ce qui va arriver l'année prochaine. Je pense que les équipes vont se servir de cette situation-là pour se tourner, faire plus un virage vidéo et un point et aussi un virage statistique avancé. Et on peut le faire par vidéo. Mais moi, je pense que pas seulement je veux prêcher pour ma paroisse, mais je veux dire, je pense que ça va enlever un certain atout au baseball majeur, ça va une certaine fierté, une certaine je trouve que les dépisteurs dans les estrades, dans les parcs des ligues mineures, dans les parcs des ligues majeures, ça rajoute quelque chose au baseball et surtout dans la culture du baseball et ça change, mais je pense que tout est cyclique dans la vie et je pense qu'éventuellement le dépistage va revenir parce que c'est un aspect important. Il y a certaines choses que l'ordinateur peut pas dire sur un joueur. Tu peux pas mesurer le cœur ou le niveau de compétition en regardant des statistiques sur un ordinateur. Alors, on l'a vu en série mondiale. Oui. Hein? Kevin Cash qui a géré selon le les statistiques avancées en retirant Blake Snell, là, si je pas selon les statistiques avancées, peut-être que la game, Snell est encore dans le match, puis les Marlins, pas les Marlins, mais les Rays gagnent la Série mondiale. On saura jamais, mais c'est ça pareil. Hein. On a tendance à poser des questions. Hein. Tu sais, Kevin Cash, c'est un gars que je connais parce qu'il était dépisteur avant de devenir gérant. Ouais. Et puis, c'est un gars là, qui a une très bonne tête sur ses épaules. Mais des fois, tu es engagé dans l'engrenage, justement, d'une organisation. Et les tendances de l'organisation, c'est pas juste toi qui prends les décisions. Mm. Mais rapidement, en 2003, lorsque les Marlins, lorsqu'on a gagné la Série mondiale, et c'est ça la comparaison, le sixième match de la série contre les Yankees, au Yankee Stadium, on gagnait 3-2. Et Jack McKeon, notre gérant à l'époque, un vieux de la vieille, un homme que j'adore et qui est un gars de baseball, lui avait décidé qu'il allait avec Josh Beckett, qui était notre meilleur lanceur pendant ces séries-là, avec seulement 3 jours de repos. Et il avait convaincu Carl Pavano, et Carl avait eu aucun problème, que c'est lui qui était pour lancer le septième match parce que Jack voulait gagner le sixième match. Il voulait gagner la Série mondiale et il voulait pas juste se servir d'un lanceur pour essayer de gagner le septième match. Et lorsque Josh Beckett s'est présenté au Monticule, on savait qu'il y avait une soirée devant lui là, qui était pour être inoubliable. Tout fonctionnait. Et Jack l'a laissé lancer 9 manches complètes, 108 lancés. Et les Marlins ont gagné. On a gagné la Série mondiale. Mais si quelqu'un avait approché Jack en sixième manche et avait dit à Jack, « Ah ben là, faut t'enlève Josh Beckett parce qu'il est rendu le troisième tour dans la formation. Ça va faire 3 fois que Derek Jeter le voit. Faut l'enlever. » Ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui serait mort, tu sais, dans le vestiaire, puis ça n'aurait pas été Jack McKeon. Alors, moi, je pense qu'il faut que tu gères aussi avec tes tripes, mais surtout avec tes yeux. Et c'est ce que Kevin Cash n'a pas été capable de faire. Et je le blâme pas. Il veut garder son emploi et c'est un homme de compagnie et on a vu le résultat. Il y a des décisions dans le sport qui vont suivre un entraîneur ou un gérant toute sa vie. Hein. On parle encore de Mike Crawford avec Wayne Gretzky. On parle encore. Ben oui! Pete Grady Carroll, Little avec. Il ne donne pas le ballon à Marshall Lynch, donc dans le Super Bowl. Oui, puis Grady Little qui avait laissé Pedro Martinez au Yankee Stadium. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu as absolument raison. Il y a des décisions qui suivent des gérants, des instructeurs pendant toute leur vie. Mm. Et malheureusement, pour Kevin Cash, c'est sûr et certain que celle-là va le suivre. Ouais. Pierre, toujours intéressant de te jaser. Donc, une belle nouvelle. On va suivre de ça de très, très près. Ben, merci beaucoup. Puis, je l'apprécie énormément. Pierre Arsenault qui nous parlait de la décision des Marlins de confier une femme le poste de directrice générale.